Voin, un fourgon postal va venir demain. Si vous avez des lettres à écrire, c'est le moment d'y réfléchir tant que l'ennemi nous laisse tranquille. Pris bien, Richard. Alors, tu as suffisamment chaud pour pouvoir écrire à ta promise ? Juliette Nikolaï. Oui, à défaut de l'avoir, je lui envoie des nouvelles du front. Même si en ce moment, je crains plus le froid que les ennemis. Tu as raison. Profites-en. La fin de l'hiver annonce le début des combats. Comment s'appelle ta fiancée ? Yekaterina. Elle est bien la raison pour laquelle j'arrive à rester debout sur ces steppes glacées. Et tu as bien raison. Allez, do svidania, Misha. Salut Yekaterina de ma part. Avec plaisir. Yekaterina, je t'écris cette lettre pour que tu aies de bonnes nouvelles de la guerre, trop souvent porteuse de malheur. Notre bataillon est bien installé dans une ville en ruine, ce qui nous permet de surveiller l'ennemi tout en étant protégé de la violence de l'hiver. Nos réserves de nourriture sont plus que suffisantes pour tenir le coup jusqu'au printemps, malgré une cuisine moins alléchante que la tienne. Je me suis fait un ami, Nikolaï, qui est boulanger en temps de paix. C'est un camarade jovial qui nous aide à tenir le coup. Il tient d'ailleurs à te saluer. J'espère que nous aurons l'occasion de partager un repas tous les trois, à nous raconter des histoires passionnantes. J'espère que tout va bien de ton côté, et si c'est le cas, j'en suis heureux, car cela signifie que nous ne nous sommes pas engagés à défendre notre patrie pour rien. Et alors je continuerai à fournir toute l'énergie de mon corps à affronter nos assaillants, en sachant que tout cela n'est pas vain. Je sais que dès que tu recevras cette lettre, tu enverras à mes camarades et moi-même des prières pour que tout aille bien. Je le sais, nous le savons tous. Et nous chanterons en ton nom pour nous donner du courage, nous qui en avons tant besoin. J'espère te revoir bientôt, ma très chère Katyusha. Daskoroy Vestreji, Misha. Les pommiers et les poiriers fleurissaient. La brume recouvrait la rivière. Katyusha marchait sur la berge haute et abrupte. Elle marchait et chantait une chanson sur un aigle des steppes gris, sur son véritable amour dont elle gardait les lettres. Ô toi, chanson, petite chanson d'une jeune fille, vole vers le soleil brillant et à la lointaine frontière rejoins le soldat et salue-le de la part de Katyusha. Qu'il se rappelle d'une jeune fille ordinaire et entende son chant, qu'il préserve la mère patrie, de même que Katyusha préserve leur amour. Les pommiers et les poiriers fleurissaient, la brume recouvrait la rivière. Katyusha marchait sur la berge haute et abrupte. Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед.